quand j'ai vu tes photos. J'suis déçu, c'est beaucoup trop. Je ne m'attendais pas à ça quand j'ai vu tes photos. J'suis déçu, c'est beaucoup trop. Je n'avais pas vu ça quand j'ai vu tes photos. J'suis déçu, c'est beaucoup trop. Je ne m'attendais pas à ça quand j'ai vu tes photos. J'suis déçu, c'est beaucoup trop. T'es pas la même sur Instagram. Sur Instagram. Sur Instagram. Tu n'es pas la même que sur Instagram. Photos, c'est trop grave. Pour elle, j'aurais travaillé mes ados. Je lui envoie un DM, comment tu vas? Elle répond, t'explique, car elle a vu les quatre. Trois fois suffisent pour qu'elle envoie son numéro. Mon instinct polygame n'agit plus, je ne suis plus le même. Je rêvais d'elle, ma première dame, je donne un RDV. Oh, oui, je l'ai capté, gros, je l'ai vu de loin. J'ai direct voulu me rétracter, non, c'est trop. Elle a les dents écartées. Si Vanessa Paradis l'avait vu, elle serait épatée. Ouais, c'est chaud. Je n'avais pas vu ça quand j'ai vu tes photos. J'suis déçu, c'est beaucoup trop. Je ne m'attendais pas à ça quand j'ai vu tes photos. J'suis déçu, c'est beaucoup trop. Je n'avais pas vu ça quand j'ai vu tes photos. J'suis déçu, c'est beaucoup trop. Je ne m'attendais pas à ça quand j'ai vu tes photos. J'suis déçu, c'est beaucoup trop. T'es pas la même sur Instagram. Sur Instagram, tu n'es pas la même que sur Instagram. Sur Instagram, sur Instagram. T'es pas la même sur Instagram. Sur Instagram, sur Instagram. Tu n'es pas la même que sur Instagram. Sur Instagram, sur Instagram. Je vais pas passer par quatre chemins, la vérité t'es claqué. C'est comme jeter un œuf sur un mur, t'es éclaté. Ok, tu m'as pris des photos, tu les as photoshopées. Tu pues de la gueule, je peux m'évanouir quand tu te mets. Plus vite j'aurais dû venir en moto. T'es grave un Big Mac, jamais comme sur la photo. Et quand t'as voulu retirer ton manteau, tu t'es assise, t'as cassé le lavabo. C'était pas toi sur la photo. Tu m'as menti, je t'en volo. C'était pas toi sur la photo. Tu m'as menti, j'ai ta photo. Je n'avais pas vu ça quand j'ai vu tes photos. J'suis déçu, c'est beaucoup trop. Je ne m'attendais pas à ça quand j'ai vu tes photos. J'suis déçu, c'est beaucoup trop. Je n'avais pas vu ça quand j'ai vu tes photos. J'suis déçu, c'est beaucoup trop. Je ne m'attendais pas à ça quand j'ai vu tes photos. J'suis déçu, c'est beaucoup trop. T'es pas la même.